En Corée du Sud, selon le journal d'internet Tongnews, l'action nationale contre la disposition de SAD comprenant 90 formations civiles et sociales a lancé le 19 août un commentaire contre la recherche du tiers endroit des autorités. Elle affirmait que sur le territoire coréen, il n'existe pas l'endroit conforme au déploiement de SAD et que la seule solution est l'abolition de la décision sur la disposition du système anti-missile américain.